s'affamer. Il m'a dit qu'ils allaient tous les deux dans un club libertin. Jean-René a vu s'affamer. Il m'a dit qu'il aimait la voir se faire prendre comme une putain. Et moi je dois avouer que je ne comprends pas. Je suis Saint-Esprit et je suis bien comme ça. Je dois vous avouer mon plus grand des drames. Moi, j'aime ma femme, j'aime ma femme, j'aime ma femme. Jean-Paul a vu sa femme et il m'a confié qu'avec plusieurs copains il lui pissait dessus. Jean-Bon a vu sa femme et il m'a confié que parfois elle et lui se faisaient caca dans le cul. Et moi je dois avouer que je ne comprends pas. Je suis saint d'esprit et je suis bien comme ça. Je dois vous avouer mon plus grand. Moi, j'aime ma femme, j'aime ma femme, j'aime ma femme. Et moi, je dois avouer que je ne comprends pas. Je suis saint d'esprit et je suis bien comme ça. Je dois vous avouer mon plus grand des drames. Moi, j'aime.